Ok. P2OP, ton visage, visage. Mais où est ton visage, visage. Quand la solitude t'emmène, quand tu prônes à l'injustice, et parce que l'amour t'a lancé dans le précipice, tu ne crois plus, tu ne veux rien. Et puis tu te dis que je fais, que je dis, pourquoi elle et pourquoi lui. Sans raison tu t'évades, tu perds même ton esprit, comme un rien qui te gave sans le plaisir d'autrui. T'écris un livre sans compter la dernière page, en croyant qu'elle et toi traverseraient les âges. Un matin tu n'as plus et le soir tu t'endors, passant de la tristesse à la haine et sans raccord. Et pourtant c'était bien, tout n'était que protection, sans compter le temps sur cette addiction. Les regards se mélangent comme si on se comprenait, pas de retard qui arrange l'amertume qui se défait. Les pensées s'entremêlent, on appelle ça le manque, sans vouloir ce qui arrive je regarde les calanques. Ton visage, mais ouais, ton visage, tes regards, et ton visage, un visage se dessine, pourquoi toujours le même? L'amour s'est échoué sur la vie et ses problèmes. Le destin se finit, il n'en reste qu'une esquisse, un sentiment perdu tout au fond du précipice. Et les nuits se rallongent faisant le tour du cadran. Elle était, tu n'es plus, et tout cela pourtant. Finalité de l'histoire qui perd le mot espoir. Rivalité du matin allant jusqu'au soir sans retard. Je recherche ma perfusion, le moral qui se transforme dans cette dite dérision. Une odeur, le toucher, tout cela dans le confort, rassuré sans vraiment se dire qu'on est les plus forts. Liberté de penser qu'un jour elle reviendra, ne pas être censé laisser l'odeur dans les draps. Lassitude, une fatigue comme une effrontée, l'amour a perdu sur le jeu d'un ticket à gratter. Ton visage, mais où est ton visage, rien à gagner si ce n'est que l'encre de tous ces fleurs. Sentir juste au fond qu'une profonde douleur. Sur la vibe je l'écoute, toujours encore me dire, toi et moi pour la vie, passant des pleurs au rire. C'est dire s'il n'y a rien de pire que le soupir. À ce jour on se dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir. Désir de l'envie et de croire en la voyant. Sur le piano je relance tout ça comme une romance. Au revoir douceur pimentée comme une harissa. Désespoir d'une lueur en te faisant un boussa. À côté ça s'engueule et moi je pense à elle, comme si le destin rechercher que son étincelle jalonnée sur un parterre de fleurs, que l'espoir en fasse encore toute sa lueur. Mon cerveau s'embrume et je continue à écrire, laissant place à l'envie de te voir revenir. Ton visage, mais ouais, ton visage.